Amis auditeurs, amis auditrans, amis auditrices. Bonjour. La gauche a-t-elle un sens dans un monde globalisé? Tentative d'éclaircissement de notre situation politique. Par Michael Félicité. Deuxième partie. Écoutez. Néo-marxisme. Depuis les années 1980-1990, des analyses marxistes reviennent sur le devant de la scène. Ce retour n'a pu se faire que par une séparation entre les actions commises en son nom, URSS, Chine, Vietnam, et la doctrine en elle-même, ce qui a donné lieu à une nouvelle interprétation qui se prétend débarrassée de ses possibles ambiguïtés. De cette façon, des études universitaires ont commencé à émerger de manière à retrouver dans les textes de Marx la solution à nos problèmes contemporains. On voit apparaître un dictionnaire critique du marxisme Gelabica, dictionnaire critique du marxisme, PEF, 1985 par Gelabica, permettant petit à petit un éclaircissement et un développement progressif des thèses de cet auteur, dans les milieux intellectuels dits « scientifiques » et non plus militants. Il est évident que la fin des 30 années dites « glorieuses » a laissé place à un retour d'un système fonctionnant par crise systémique, notamment avec le choc pétrolier de 1973, qui a marqué ce qu'on a appelé le « tournant de la rigueur » en France sous Mitterrand, et plus récemment encore la crise des subprimes, des banques américaines. On comprend alors que le phénomène de crise de surproduction inévitable analysé par Marx a pu apparaître comme une des clés du moment. Dès lors, c'est un Marx universitaire, filtré à partir d'une méthode très précise qui va voir le jour et qui va nous permettre d'analyser ces nouveautés. Cette gauche prend réellement ses distances avec notre première, comme en témoigne le livre d'Isabelle Garot, Foucault, Deleuze, Althusser et Marx, La politique dans la philosophie. Cet ouvrage, après une relecture des auteurs en question, en vient à noter l'absence réelle de pensée politique conséquente pour ces derniers. Il en sera déduit en conclusion que c'est par un retour à la pensée de Marx que nous pourrions comprendre les événements qui animent notre actualité, et non en déployant l'appareil conceptuel superflu qui s'est développé après les événements de mai 68. Mais en réalité, en voulant être précis, cette mise à l'écart de ces penseurs s'est faite progressivement par une critique qui est née dans les pays anglophones, en Angleterre et aux États-Unis. C'est de là-bas que nous vient une première prise de distance, peut-être parce qu'elle y a exercé une très forte influence. Des œuvres comme « Le postmodernisme ou la logique culturelle du capitalisme tardif » de F. Jameson représentent un tournant de la pensée critique néo-marxiste, de même que « Les origines de la postmodernité » de P. Anderson. Ces auteurs montrent les liens entre ces pensées et le nouvel ordre capitaliste qui émerge après la Deuxième Guerre mondiale. Il va de soi pour eux que ce monde du flux, des transgressions permanentes, tant prôné par tous ces penseurs, postmodernes, correspond aux évolutions et aux exigences du capitalisme contemporain. Il y a, depuis quelques années maintenant, certains chercheurs qui se réunissent autour de la figure centrale de Marx. Ils se retrouvent autour d'un séminaire annuel intitulé « Marx au XXIe siècle », remarqué, par ailleurs, par un grand succès organisé par l'Université de Paris-Sorbonne. Se concentrant autour d'un collectif bien précis, ils mettent à jour les auteurs oubliés, méconnus, de cette tradition autant que ses grands concepts théoriques, comme les mouvements de masse, le prolétariat, etc. On peut voir l'une de leurs dernières publications, Marx Politique, comme une œuvre tout à fait représentative. La volonté de cette gauche néo-marxiste est de réactualiser une lecture de l'histoire de l'humanité à travers la lutte des classes qu'elle transpose sur notre modernité proche. Elle met davantage l'accent sur les conditions de production de nos sociétés capitalistes et sur les différentes formes de lutte qu'elles doivent de nouveau engendrer. Un des buts est de réaffirmer l'enjeu central de la dialectique de l'histoire dans le processus de compréhension de la réalité, dialectique absolument honnie par les tenants de la première gauche. Au fond, il s'agit pour eux d'établir une stratégie anticapitaliste effective, qui prenne en compte les contradictions actuelles, et non plus les schémas, pour eux anciens, du communisme d'antan. L'idée est de donner aux mouvements sociaux une bonne direction afin de trouver un projet authentiquement internationaliste, ce qui suppose, à cet effet, de mettre en cohérence les formes les plus avancées des forces d'opposition au système 19. Ceci dit, ces intellectuels conservent tout autant les luttes sociétales, dites des minorités. Ils réajustent simplement les priorités de combat en englobant celles-ci dans une révolution plus globale. les auteurs qui semblent être remis à jour se trouvent être des gens très différents. Agransky, avant-dernier colloque, fait figure, par exemple, de nouvelle autorité, surtout pour la redécouverte de ses notions d'hégémonie culturelle, perte des repères de gauche actuellement dans la société, ou encore de « révolution passive » avec la construction européenne. Plus récemment, on note un travail sur N. Poulanza, dernier colloque, philosophe français qui leur permet de trouver des filiations, entre autres, avec Foucault et Marx. Son maître livre, L'État, le pouvoir et le socialisme, nous dit que l'État n'est pas un bloc monolithique, mais un champ stratégique. Cette idée foucauldienne par excellence leur autorise de repenser les stratégies politiques localisées à mettre en place pour agir sur le social afin de ne plus penser la révolution dans les cadres anciens. Ranzit Kuchayan est de ce point de vue un illustre interprète de ces penseurs-là. Il a écrit une synthèse des mouvements de contestation intitulée « Hémisphère gauche ». Une cartographie des nouvelles pensées critiques, dans laquelle il montre l'impasse pratique de certaines conceptions politiques ne prenant pas acte de ces nouvelles réflexions marxistes. Comme on peut le voir à travers leurs publications, les sujets abordés ici correspondent souvent à de vrais problèmes politiques. On remarquera le texte de Cédric Durand, « En finir avec l'Europe », Cédric Durand, « En finir avec l'Europe », La Fabrique Édition, 2013, qui a le mérite de poser des questions brûlantes. Dans ces milieux-là, une figure émerge particulièrement, en la personne de Staty Kouvelaki, rare singularité à mettre en avant des vrais moments de lucidité, l'UE est une incarnation de cet internationalisme du capital. C'est un espace politique dont les classes populaires sont exclues. Par le passé, des nuances ont pu exister au sein des élites européennes concernant le type de dynamique économique et de régime politique à développer. Depuis, la relance du projet européen, avec l'acte unique de 1986, le néolibéralisme règne sans partage. L'UE tend, depuis ses origines, à échapper au contrôle populaire. Représentant la perspective la plus cohérente, il est à coup sûr, le plus brillant et le plus engagé, ce qui lui permet de se dégager comme la référence légitime en publiant des tribunes régulièrement dans tous les médias. On notera aussi des personnalités intéressantes comme François Ruffin, autant avec son journal Fakir, rare instrument d'analyse de gauche aujourd'hui, qu'avec son ouvrage intitulé « Faut-il brûler Bruxelles ?». C'est ici, avec F. Lordon par ailleurs, que l'on trouve la vision critique la plus radicale contre les institutions européennes, véritable courroie de transmission de la logique néolibérale. Ces deux derniers auteurs n'appartiennent pas directement à ce groupe-là, mais le suivent sur bien des points. Une des personnalités les plus influentes, et sûrement aussi, une des plus talentueuses, se trouve être un éminent géographe marxiste américain, en l'honneur de Day Harvey. Celui-ci a déployé une approche des plus novatrices en montrant le rapport que le capitalisme entretient avec les différents territoires de la planète, ce qui lui permet de mettre en évidence les transformations des villages, villes, métropoles, au gré des évolutions de la logique marchande. Pour une fois, on sort d'une lecture strictement économiste. En plus de cela, il reprend à son compte une lecture de la fonction hégémoniste du capitalisme dans son livre « Le nouvel impérialisme » Day Harvey, « Le nouvel impérialisme, les prairies ordinaires » 2010 montrant le nécessaire développement du système d'accumulation par dépossession que nous subissons, mécanisme identifiable par le phénomène de la dette qui thésaurise en dépossédant, logique financière, en non plus en produisant, logique du capitalisme industriel. Des nouveaux éléments, qui correspondent à des évolutions de nos sociétés, sont introduits dans les analyses, ce qui avouons le stimule intellectuellement par rapport aux élucubrations fantasmagoriques de la première gauche dite culturelle plaçant la lutte au niveau symbolique et non plus politique. À côté d'eux, remarquons qu'il y a aussi des figures tout à fait intéressantes, mais qui restent un peu comme des poissons volants. Ils ne sont pas immédiatement intégrés à ce vaste mouvement, mais ils le subliment d'une manière différente. En vérité, des personnalités comme Abadiou, ayant une tribune régulière à Mediapart, et S. Zizek, faisant des conférences devant des salles combles comme une rockstar, figurent à eux deux comme des véritables idoles pop de la contestation. Intellectuellement autant différent qu'intéressant, il déploie une forte maîtrise dialectique. Cependant, on se rend vite compte qu'ils se rejoignent politiquement sur un appel incantatoire à la révolution, dans une quête mystique quasi religieuse, ce qui les rend absolument ridicules d'un point de vue pratique. En définitive, ce sont deux métaphysiciens qui, ayant beau raisonner de manière brillante, n'arrivent pas à toucher la réalité et à trouver des solutions pertinentes. Ceci dit, là où Badiou reste fermé uniquement dans son système des « idées pures », Dissek quant à lui, offre une vraie critique, des plus pertinentes, de notre postmodernité bien que ses conclusions ne soient pas à la hauteur de ses analyses. Les gauches institutionnelles et radicales sont issues et se réclament de ces penseurs-là. Syriza, contraction de « synaspismo rhizospastikis aristea », traduit par « coalition de la gauche radicale », pourrait être le grand représentant de cette nouvelle esprit, comme on le voit, depuis sa naissance, à travers les intellectuels qui agissent directement de l'intérieur. La volonté, sous-jacente, est de créer une nouvelle force de gauche, comme son nom l'indique, autant capable de réunir toutes les forces contestataires en lutte que de séparer radicalement de la droite. On trouve la même chose au front de gauche en France, et Die Linke, la gauche, en Allemagne possède les mêmes arrière-pensées. Le programme de lutte contre l'austérité et non de sortie de l'euro, par exemple, est bien le résultat de ces analyses. Et puis, le présupposé internationaliste visible dans l'idée d'un dépassement des frontières, des identités, des nations est présent chez eux. Pour s'informer sur l'avancée de leurs recherches, on pourra fréquenter la revue en ligne Contretemps, qui est leur principal porte-parole. En Europe, seul le parti, Podemos, reste plus nuancé, car il est d'inspiration plus latine comme en témoigne la perte de la référence gauche/droite qu'il met en avant, et qui laisse place à une opposition plus réaliste entre la « caste » et le « peuple ». Là où les gauches européennes prennent leurs racines dans un renouvellement des lectures de Marx, en vérité la protestation espagnole réactive des liens qu'elle possède, de par son histoire, sa culture, avec l'Amérique latine, ce qui fait d'elle une des principales introductrices des mouvements bolivariens en Europe. Aujourd'hui, pour la première fois, on propose une vision d'un marxisme clairement compris, dégagé de ses faiblesses internes et surtout boussole à venir des luttes anticapitalistes. Paradoxalement, c'est peut-être aussi une époque où le marxiste strict reste muet sur notre réalité immédiate. Car, que peut faire l'homme qui parlait de révolution prolétaire dans un monde où les rapports de classe ne sont plus clairement identifiables comme avant, où l'ouvrier uniquement exploité stricto sensu n'existe plus, remplacé par un salarié à la fois exploité/exploiteur, où la société de consommation a modifié le rapport à la plus-value, où les nouvelles technologies, les médias de masse, changent constamment notre rapport à l'aliénation. On nous fait croire à la radicalité de cet auteur, mais en masquant souvent qu'il n'y a jamais eu précédemment une doctrine unifiée chez Marx, autant dans ses textes personnels que chez ses lecteurs. Pour finir, de manière générale, on peut dire que ces deux gauches-là ont toujours fait le jeu du capitalisme historiquement, comme l'ambiguïté des textes de Marx n'a jamais réussi à se séparer définitivement de la logique du capital. Elles ne comprennent le monde qu'à partir d'un prisme uniquement théorique, ce qui leur fait perdre de vue des réalités nouvelles et souvent en contradiction avec la doctrine en elle-même. En soi, le problème n'a jamais été Marx, mais ces prétendus marxistes qui finissent toujours par en faire un évangile et terminent comme des fidèles à réciter des mantras. La gauche a-t-elle un sens dans un monde globalisé? Par Michael Félicité. Fin de la deuxième partie. C'était une sélection Radio Parasite. À bientôt et grosse bise numérique.